chérie, je suis pas polygame. Je te l'ai déjà dit, c'est complet. Tu fais si tu me connais pas. Tu fais la maligne, tu vas tomber. N'achète pas ton corps, c'est un bordel. Des numéros de voyous dans ton portable. Viens, je t'emmène au pays de Maradona. Avec un bijou comme toi, je crains pas la douane. Habibi, je veux des lovés, c'est tout. Tu me parles de business, c'est tout. Je ne cherche pas à te piner, c'est cool. Je vais te la mettre en finesse, c'est tout. Je veux pas qu'on m'acclame, je fais ça pour les drames. Non, je comprends pas pourquoi tu me blâmes. Amoureux de la street, je suis pas polygame. On se connaît pas, tu t'es mis en bombe pour me faire la bise. C'est moi que tu vises, tu me connais mal. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Je vais te la mettre en finesse. Tu fais du fitness, c'est cool. Ok, dis-moi c'est comment. Tu m'as l'air d'être renseigné sur le domaine. Ouais, pour moi c'est donnant donnant. Chaud, c'était par les dollars et c'est dommage, c'est tout. Depuis le temps j'attends mon heure. L'impression de m'être réveillé d'un coma. Ah, regarde-moi c'est connard. Non, c'est pas tombé du ciel, je taffe de bonheur. Tu me parles de love, c'est cool. Tu me parles de business, c'est cool. Ma belle, tu m'as pris de vitesse, écoute. Je veux pas qu'on m'acclame, je fais ça pour les drames, non je comprends pas.